prends mon mic comme un gun, puis j'ai lock le safety. Tellement d'ignobles font place au rhyme, puis provoque des bêtises. Je règle mes comptes, faut que ça compte comme une donk drop. Direct des ombres, le spec inonde de mon démon shop. Trop fake, le peuple me juge, passe-moi le paint, mon gossus. Face au keuf, face aux nurses, j'utilise un autre ruse. Le monde m'accuse, le monde abuse, y'a trop de gens abusés. Y'a pas d'excuse pour ceux qui jugent, tout le temps accusé. Des contests, j'te parle plutôt des conquests. J'préfère fermer ma gueule que de faire mon smart car des contests. Hey, le gaffe, tout est en bas, moi j'ai rien à prouver. Dans mon épave, tous ceux qui calent viennent pour me troubler. C'est touché, coulé. Mon gros ship en mode gros shit. Si t'es wack, l'autre t'es track dans un fucking autre site. C'est l'underground style, pis j'me reminisce les rude boys. Ceux qui ont fait les fakes, ceux qui ont resté tight, tight. On règle nos comptes, right now. Pour Mike, pour du beat, pour ceux qui se trompent. J'tight blow. Quand notre fight, c'est un fille, on est là. Most blunt represent. On choke pas, on talk ça, on fuck pas pour la scène. Pendant que t'aspires mon arrogant, je me lance contre mes soucis. Rien à foutre de ceux qui pensent qu'à chaque jour je me pourris. Je mène ma vie comme si je serais seul en train de voguer dans l'oubli. J'ai pris mon temps pour faire mon shit, maintenant tout s'accomplit. Au microphone, je suis convoqué, je place mes bombes pour la riposte. Je règle mes comptes, éclaircis mon esprit quand je pars. Souvent loin de mes proches, j'ai vraiment rien contre eux, mais fuck. Mais Beckham chez nous, les caves, comme toujours rapport. Trop souvent, c'est le mal qu'il remporte sur le bien. En effet, je me fous du temps pour faire les choses pour moi. Pourvu que c'est bien fait. Pourquoi se bloquer, se limiter? Laisser les faux imiter. Perfectionniste dans leur chant que sur de la qualité. Passe le bat pour l'NBC, notre stack défense l'époque. J'pose mes 10 au wack boy pour ceux qui se pensent c'est pop. En ce qui me concerne, j'suis pas là pour paraître dans le move. Pour rapper avec mes chums, pas pour faire du flouze. On règle nos comptes, right now. Pour Mike, pour du beat, pour ceux qui se trompent. J'type loud. Quand notre fight, c'est un fille, on est là. Most blunt represent. On choke pas, on talk ça, on fuck pas pour la scène. C'est sur une mélodie string qu'on règle nos comptes clair et précis. Une coupe de rang dans le ring, c'est tout ce qu'il faut pour que tu pousses les poussies. Si ça a l'effet d'une bombe, tant mieux fuck la diplomatie, yeah. Fallait que les fake tonks, les fake talk comprennent esti. Ça fait une coupe d'années qu'on chill à gauche à droite des rues de la ville. Comme une coupe de daily, conclut une coupe de dealo. Smoke une coupe de kilo avec mes boys, mes bros. Autour les mêmes crises de fuck, fallait que je crache, que je file au micro. Mon feeling c'est qu'il y a trop de doigts qui poussent à l'extrême, nous poussent à l'excès. Mais savais pas que c'est à ça que j'excelle. L'instinct de vengeance est la seule chose qui satisfait. Ton nom sur ma liste. S'ajoute un autre de mes projets. C'est sûr t'es le prochain. Si tu testes trop, tu stresses trop. You know, on fait ça propre, sans trace, des vrais pros. On laisse la scène sans tâche. Le temps que ton esprit s'arrache. Ton dernier souffle en deux spaces. Laisse ton âme en deux places. On règle nos comptes, right now. Pour Mike, pour du beat, pour ceux qui se trompent. J'type loud. Quand notre fight, c'est un fille, on est là. Most blunt represent. On choke pas, on talk ça, on fuck pas pour la scène. On règle nos comptes, right now. Pour Mike, pour du beat, pour ceux qui se trompent. J'type loud. Quand notre fight, c'est un fille, on est là. Most blunt represent. On choke pas, on talk ça, on fuck pas pour la scène.